Au petit matin, il est parti seul sur la mer. Dans un voilier blanc, le cœur serré, largue la terre. Le vent souffle les voiles, le bateau tape la vague. Il y a du soleil dans son sillage. Oh.